C'est pas parce qu'on est dans l'aspect française qu'on va déroger à la règle de la doublette de nouveautés. The Necromancer, Worms, deux nouvelles sorties sur la scène française, deux styles différents, et deux formations qui nous viennent pas très loin de Touraine. The Necromancer, tout d'abord, qui nous vient des environs de Poitiers. Ils nous sortent là un nouvel effort studio, toujours un espèce de heavy rock, un peu doom occulte. Le groupe est actif depuis 2015, c'est là leur troisième effort studio. Un album court dans les titres, 6 morceaux seulement, mais les compos vont de 5 à 8 minutes. Un heavy rock donc occulte, assez dynamique, un peu fuzzy sur les bords, avec voilà toujours des alternances assez pachydermiques et vraiment doomesque. Voilà, c'est rétro, sans sonner trop vieux, c'est juste ce qu'il faut au niveau de la recette pour The Necromancer. Et en doublette avec la formation Poitvine, Worms, un groupe black qui nous vient d'Orléans. Est actif depuis 2007, ils sortent là leur quatrième effort studio, un black toujours riche, très bien foutu, à la fois épique, mélancolique et très frontal, des textes toujours en français, et des compos toujours aussi généreuses, allant de 6 à 9 minutes. The Necromancer, Sunken Entress, le titre qu'on va s'écouter tout de suite, extrait de l'album Where the Void Roses. Worms, ensuite La Messe de l'Épée, extrait de Nouvel Effort Studio, Sacral Lumaneor, La Lueur contre les Fléaux. C'est parti. Yes. Et c'est déjà l'heure de clôturer l'aspect française de l'émission Hellbanger de ce soir. Mauvaise foi à Code. Mauvaise foi tout d'abord, récente formation Doom Sludge parisienne, active depuis 2015. Ils sortent là leur second EP. Des textes en français, cependant pour du Doom Sludge, les titres ne sont pas forcément très longs, on est autour de 4 minutes. C'est rampant, c'est écrasant, ça bave, ça dégouline, et même au niveau des vocaux, c'est râpeux et sale comme il faut. C'est ultra négatif, la musique de mauvaise foi, c'est donc absolument parfait. Et ACOD, ensuite ACOD, groupe de Black Death tendant que Epico Symphonique qui nous vient de Marseille. Ils sortent là leur cinquième effort studio. Au passage, ils chopent un deal sur les Acteurs de l'Ombre. Une musique toujours riche, travaillée, extrême et même grandiose, avec des arrangements à la sauce un peu Septic Flesh. Voilà, donc pour ACOD et Mauvaise Foi. On va s'écouter Banalité du Mal, signé Mauvaise Foi, extrait de second EP Mauvaise Foi 2, en toute sobriété. ACOD ensuite, Artes Obscurae, extrait du nouvel effort studio Force Reign Over Opacities and Beyond. Pour rappel, une sortie Les Acteurs de l'Ombre. C'est parti, et ça clôture l'aspect française. Yeah. enchaîne avec le nouvel effort studio des Finlandais de Spiritus Mortis. Et je dirais que l'ami Sylvain s'est fait plaisir en choisissant le titre du morceau, Just for Fun. Pour rappel, Spiritus Mortis, un début de carrière studio un peu fouillis, hein, pendant une quinzaine d'années, ils ont balancé un peu plein de démos à droite à gauche. Le premier véritable album n'a vu le jour qu'en 2004. Ils sortent là un nouvel effort studio, toujours dans une veine Candlemast, Trouble, Cantraven. C'est lourd, avec des passages beaucoup plus rythmés, à la sauce hard rock. Voilà, c'est toujours vachement efficace et inspiré ce que nous proposent les Finlandais de Spiritus Mortis sur ce nouvel effort The Great Seal. Le titre de ce soir s'intitule Popotan. Alors je sais pas très très bien comment ça se prononce en finlandais ni comment ça se traduit, hein, bien évidemment. Et ensuite, nous aurons les Californiens de Acephalix, la nouvelle sortie de 20 Buckspin Records, un label que l'on affectionne tout particulièrement depuis quelques temps. Voilà, le groupe s'est formé en 2007, ils sortent là leur quatrième album studio. De base, on était sur une vague Swedish Death, un peu crust-punk. Et là, on est carrément sur un death sombre, malsain, sale et même très méchant. Un peu dans un truc à la sauce Necrot ou encore Undergang. Voilà, c'est Felix, une belle évolution, bien crados, et il me semble bien les avoir déjà vus à l'affiche plusieurs fois de l'Obscène Extrême. Effectivement, dans cette veine Crusty Death. Assez Felix, on s'écouterait le titre Godheads, extrait de l'album Theotanalogy. Et pour rappel, une sortie 20 Buckspin Records, et au passage, c'est une nouveauté. Allez, je vous spoil un peu la fin. Il n'y aura plus de nouveautés pour les doublettes à venir, mais toujours de très très bonnes choses. Firtan et Summerlands, c'est les intitulés de la doublette suivante. Firtan, on est sur un black allemand qui a vu le jour il y a une douzaine d'années. Ils s'apprêtent là à dégainer, enfin ils viennent là de dégainer, pardon, leur troisième effort studio. On est sur un black épique, légèrement pagan sur les bords, avec des alternances de passages bien bien bien rentre-dedans et des passages beaucoup plus mélodiques, très aérés, avec même des séquences acoustiques. Un album généreux, hein, 8 morceaux pour environ 1 heure de musique, où tout prend le temps de se développer et de se lancer magistralement bien, ma foi, pour Firtan. Avec ce nouvel effort studio qui s'intitule Martyr, une sortie Art of Propaganda Records, on s'écoutera le morceau Fadir. Et en doublette avec Firtan, nous aurons Summerland, un groupe américain qui a vu le jour pareil il y a une dizaine d'années, formé par trois membres de Eternal Champion. Ici, cependant, on n'a pas du trop heavy épique, cependant un heavy mélo, un peu hard rock à la sauce des vieux Ozzy Osbourne ou autres Judas Priest, avec de grands renforts de clavier. C'est old school rétro, c'est ultra tubesque et c'est vachement bien foutu. Ouais, les présentations pour Summerlands, on s'écoutera le morceau Fears of a Storm, extrait de l'album Dream Killers, une sortie Relapse Records. Yeah. dernière doublette dans l'émission de ce soir avant de se quitter sur un morceau unique. Harlequin Trio, ça c'est des groupes qu'on vous a rentrés la semaine dernière dans la programmation. Harley Quinn, c'est une excellente découverte, un trio féminin de death américain. La formation a vu le jour en 2009 et ils sortent là leur second album studio. On est sur un death avec des relents brutal death et black metal. Des titres vachement directs, hein, 33 minutes pour 12 morceaux, c'est violent, c'est sale. Et une alternance de voix criarde et gutturale. Clairement, faut savoir que c'est des nanas qui sont dedans, hein, c'est... Enfin, c'est ultra vénère et efficace la musique de Harley Quinn. Et ensuite, Trial, une récente formation de Heavy Revival suédois, hein, à peine 15 ans d'existence. Ils sortent là leur quatrième album studio chez Metal Blade. Donc voilà, du bon Heavy qui dégouline les années 80 dans le fond et la forme. C'est ultra efficace comme ils savent aussi bien le faire en Suède. Et puis on a une petite touche de Heavy Occult à la sauce Merciful Fate par-dessus. Pour une recette absolument parfaite. Harley Quinn, le morceau Trapan Road, extrait de l'album Origin of Suffering. Three's Great Path, extrait de l'album Feed the Fire, sorti Metal Blade pour Trial. C'est parti. Over the Et c'est déjà l'heure de refermer la 420, la 487e émission Hellbanger ce soir. The Dark Prison Massacre, le groupe de Brutal Death venu de Chine, Brutal Death Proto Slam Grind. Ils nous sortent un nouvel effort studio Triple Insanity, une sortie Amputated Vine Records, et on va se quitter avec le déjà tubesque True Metal Bastards. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous, rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission en différé. Ciao ciao!